Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Clément Bonpoil. Salut Clément, comment tu vas? Et salut Sofiane et Taï, comment ça va? Ça va super, merci, et toi? Et superbe, toujours la patate, ah impeccable. Ben, à fond, ça fait plaisir. Et donc tu as bien fait de prononcer, parce que juste avant on parlait du fait de bien prononcer les noms et tout. Je demande toujours par politesse à mes invités comment se prononce leur nom ou s'ils ont pris un pseudo ou tout ça. Et toi, tu as bien appuyé sur le Etaï. Donc je te remercie au nom de tous ceux qui m'appellent Monsieur Ete ou Monsieur Etaï. Je te remercie d'avoir prononcé Etaï correctement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment cool. Ah ben c'est vraiment cool à toi de m'avoir invité. Puis niveau galère, il y a quand même beaucoup d'histoires dans l'humour, donc c'est ça qui est cool. Alors, petite précision, je n'invite pas les personnes uniquement à propos desquelles je me dis « Ah bah tiens, lui, il doit en avoir pas mal des galères, tu vois. » Non, non, c'est ouais, pas... heureusement, t'imagines, ce serait trop stylé. C'est... Ah bah tu vois, genre oui, je t'invite pour mon podcast Galère d'humoriste. Qu'est-ce que je t'ai fait en fait? Qu'est-ce que... tu vois, ça va créer des embrouilles, je le sens, ça va créer des pourquoi embrouilles. Pourquoi moi? C'est ça, c'est ça. Et donc, j'invite vraiment tous les humoristes, parce que je sais que tous les humoristes en ont, que ce soit une ou plusieurs. Et toi, justement, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? C'est ça, exactement. Il y en a trois exactement marrantes, franchement marrantes. La première, c'était, on faisait une tournée dans la région de Toulouse, tu veux, en gros. Et c'était tourné pour un festival local. Et on va jouer, on avait 4 soirs de suite, je crois, et un des soirs, on va jouer un peu dans la campagne à Toulouse, tu veux. Et on arrive, et la salle incroyable, 200 places, ça va être trop cool et tout. On arrive dedans, on était trois du coup à jouer, donc on faisait une demi-heure chacun, je crois. Et moi, j'avais jamais joué une demi-heure encore, tu vois. Et je passais premier du coup, parce que je me suis dit, ça peut être bien pour se viander directement, tu vois. Ça peut être cool. Et non, et du coup, c'était pas cool. Ça faisait même pas un an que je faisais de la scène, je crois. Et ce truc-là, je jouais d'une demi-heure à 4 soirs de suite. Trop bien. On arrive dans la salle, trop belle la salle. Et là, en fait, il y avait 20 personnes. Et c'était que des personnes très âgées ou des très jeunes enfants, tu vois. Donc, c'était ambiance mi-EHPAD, mi-crèche. Et remi-EHPAD derrière, tu vois. C'est un truc. Et tu vois, bah ouais, du coup, en plus, ouais, je fais de l'humour absurde, un peu noir. Enfin, tu sais, je fais de l'humour comme ça, quoi. Et je me dis, bon, bah si, je vais rester fidèle à ce que je suis, quoi, tu vois, quand même. Et bah écoute, c'était mon premier. En fait, c'était un four mignon parce qu'il y avait des gens qui rigolaient avec 2-3 secondes de décalage. Et moi, j'avais jamais vécu ce truc-là, c'était en mode répétition, en fait. Franchement, je rigolais intérieurement parce que j'étais là, je dis, attends, faut que je joue 20 minutes pour être payé quand même. Fallait pas faire moins de 20, tu vois. Donc je dis, faut que je tienne. Et je passais, et les trois, du coup, c'était un peu galère. Et les gens qui viennent te voir, parce que si tu veux, tu fais des vannes, mais t'avais les gosses, tu sais, qui couraient devant, tu sais. Donc, t'avais les gosses qui couraient pendant que tu jouais et les grands-parents qui disaient à leurs gosses d'arrêter de courir pendant que tu jouais. Donc, ça savait que toi, tu parlais, mais t'sais, personne t'écoutait. C'est un truc incroyable. Et l'histoire, elle est ouf parce que, tu sais, on finit ça et moi, c'était mon premier vide, tu vois. Et j'étais là, mais je regarde un très bon souvenir. Et on parlait avec les gens, c'était très cool après. Et on se dit, bon, bah, on va en ville, on est trois, on se met une cartouche un peu pour oublier, tu vois. Et on va en ville avec ma caisse, je suis de Toulouse. On se gare en ville. Je me gare sur une place où je me gare pas d'habitude. Je me dis, non, mais ça va aller, franchement. On va au resto, on fait soirée et tout, on revient. J'ai pris une prune, j'avais pris 117 euros d'amende pour stationnement sur place handicapée. Je crois que c'était que j'avais pas vu. C'était un bout de place handicapée et l'autre bout, tu sais, qui était gratos, mais qui était sur un trottoir. Et d'accord. Ça m'a coûté 117 balles. La soirée, on était payé 120 balles. Ce qui fait que j'ai gagné 3 euros pour faire 25 minutes de four total. Et franchement, c'était ouf. Je suis rentré chez moi, je me suis dit, il faut qu'on rejoue demain et que ça reparte vite parce que là, c'est compliqué. Ouais. 3 euros, du coup, j'ai gagné ce soir-là pour faire 25 minutes, compliqué, quoi. C'était ouf. D'accord. Est-ce que tu veux qu'on ramène ça au ratio combien d'euros par minute de bide de... Franchement, je ne l'avais même pas calculé, mais là, je me dis que là, on va être sur un... C'est le salaire moyen au Soudan ou un truc comme ça, tu vois, je pense que je suis là. Après, on reconnaît bien là ton humour très très piquant. Ah quand même. Mais j'avoue que le montant de l'amende en fait me fait un petit peu bugger, 117. Et ouais, en fait, c'était une place, tu vois, c'était tu sais, t'as des trottoirs dans le centre de Toulouse où tu peux te mettre, en fait, il y a personne le soir, mais c'est considéré comme stationnement hors quelque chose et le truc il monte à 117 balles, ouais. Et en fait, non, j'ai gagné le cachet, c'était 120 balles de la soirée. Oh, mon cachet, il me sert à payer juste ma bagnole. Quelque part, t'étais en balance positive, c'est quand même une bonne nouvelle. Bah, c'est ce que, en plus, dans mon spectacle, moi, je suis optimiste intégriste. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ces 3 euros? Je suis retourné au restaurant, j'ai pris un shooter. Voilà ce que j'ai fait. Et voilà. Mais tu sais quoi? Ça me fait rire parce que 117, c'est moi, j'aurais pensé à 135, 90, non, machin. 117, là, j'ai craqué. 117, c'était vrai. 117, tu sais quoi? Alors, on dirait, parce que comme tu m'as dit qu'il y avait un morceau, t'étais sur une partie d'une place handicapée et sur une partie. Ah ouais, ils sont des La roue arrière, ça va, elle était bien. Bah, voilà, ils t'ont fait ça au prorata, en fait. C'est quand même dingue. Et ouais, donc heureusement qu'il y avait d'autres soirs pour pouvoir te rattraper financièrement, quoi. Ouais, mais c'est ça, même me rattraper moralement, parce que le premier, quand même. Après, moi, j'étais mort de rire du premier fond que j'avais, parce que c'était mignon, si tu veux. Je connaissais pas cette ambiance trop, tu veux. Et après, tu rentres chez toi et tu dis, écoute, demain, on va refaire le même texte, parce que les deux soirs d'avant, il a marché, et ce soir, il marche pas, quoi. Donc c'est bien, ça, je trouve ça, c'est le bon côté du beat que ça fait, c'est tu te dis. Ouais, non, ben ouais, tu dis, il y a des soirs, ça passe moins, c'est comme ça, c'est la vie. Bah, tu t'en es bien sorti quand même, ça va. Et donc, les autres soirs, après, t'as fait gaffe où tu te garais. Ce soir, après, j'ai pas pris ma bagnole, surtout. J'imagine, t'as dû dire aux collègues, allez-y, maintenant, c'est vous, chacun son tour pour l'amende. Ah, j'ai voilà. Dit, c'est bon, on y va à pied, c'est à 30 bornes, j'en ai rien à foutre. Bon, après, le problème, c'est que c'est les baskets qui vont te coûter 117 euros, tu vois. Exactement. Et ça, c'est la deuxième anecdote. C'est le mec qui a tout prévu. Ah, mais c'est bien. Et puis, en plus, ça t'est arrivé dans tes débuts, quoi. Comme tu m'as dit, ça faisait à peine un an, peut-être, que tu faisais de la scène. C'est bien parce que ça t'a en fait fait passer du côté « c'est bon, j'ai déjà bidé, je sais ce que c'est ». Et voilà, exactement. Quoi. Ah oui, ça te forge, au final. Mais en fait, je me dis, c'est vrai que tu peux pas… Je pense que c'est dur de s'améliorer si tu ne viandes pas des fois. Enfin, je me dis, c'est le fait de se viander, c'est là où tu te dis, ok, donc les trucs là, il faut que j'adapte ça ou ça, etc. Tu vois. Et de s'enregistrer en plus quand tu bides, ça régale, tu te mets des replays après, tu dors pas. Hein. Il y a des moments où tu te dis, je suis trop heureux dans ma vie, oui, je vais me sortir une petite cassette. Bah écoute, moi j'ai une petite compil, voilà, j'ai quelques insomnies prévues, là, bah, je sais quoi faire. J'imagine la jaquette du CD avec toi, avec un micro, tu sais, les meilleurs beats de Clément Bonpoil, volume 3. Ah, de ouf. J'adore. Bon, ben, chers auditeurs, hein, vous saurez quoi offrir à vos collègues et à vos amis pour Noël. Voilà, en plus d'ailleurs, bah oui, ce sera bientôt Noël au moment où le podcast sortira. Donc, vraiment, c'est un cadeau au top. Je vous le conseille, vraiment. Exactement. C'est 117 euros le DVD, du coup. Franchement, je t'en aurais tellement voulu si t'avais mis un prix différent. 117 euros, ça devient ton chiffre fétiche maintenant, tu vois. Oui, voilà. D'ailleurs, j'imagine que t'as vu tous les OSS 117. Et j'avais jamais fait gaffe que c'est. Mais ouais, bah, tu sais quoi, je vais me les remettre juste après, du coup. Très pas bien de vu, soucis. Très bien vu. Avec plaisir. Et avant d'écouter la compile de tes meilleurs bids, et je te rassure, il y a quelques volumes aussi de mon côté. Hein, Ils sont à la projection tous les deux, t'inquiète. on fait ça. Je ramène les CD, tu ramènes la Gendas. Allez, ça va être chaud. On fait comme ça. Mais avant d'écouter ces fameux CD, je te propose du coup d'écouter ta deuxième anecdote. Donc, il t'est arrivé un truc un peu dans le même style ou c'était complètement différent ? C'était. Bah ouais, non, c'était cool. Pour le coup, ça s'était bien passé. Mais en fait, c'était la première fois. Pareil, c'était ma cinquième scène, je crois. C'était un concours aussi à Toulouse. Et en fait, c'était pendant la soirée, tu sais, on était 12 à passer, je crois. Et je passais sixième. Et les cinq premiers, il y avait un mec dans la salle qui était complètement bourré et qui faisait que gueuler, mais vraiment que gueuler très fort, tu vois. Et bah, les gens lui disent de se taire, tout machin, etc. Et à ce moment-là, il y a la sécurité qui pas encore arrivé, tu vois. Et mais devine quoi, pendant mon passage, il se lève, il se met à gueuler. Je crois que c'était semi-chanson paillarde, semi-insulte. Bah, tu as compris pour qui il votait, quoi. Et du coup, bah, la sécurité rentre dans la salle. Et c'était un truc où tu as les gradins qui montent. Donc, tu es en bas, en fait, sur scène. Et le mec, du coup, bah, ils l'ont sorti par là. Donc, il est passé sur scène et tout. Et j'avais dû faire croire, quoi. J'ai dit, ouais, c'est un ancien collègue. On était en duo. Bon, il a un peu mal tourné et tout, machin. Et j'avais dit, qu'est-ce que vous voulez que je dise, genre, c'était ouf. C'est quand même fort de ta part d'avoir improvisé là-dessus, quoi. Bah ouais, je me disais. Et le pire, c'est que du coup, en fait, le sketch se passait cool jusque-là. Et le fait qu'il a interrompu le truc, ça a duré 4-5 minutes, tu vois, et qu'il le sorte et tout. Et à la reprise, bah là, par contre, en disant ça, etc., les gens, du coup, trop, trop cool en plus d'un coup, tu vois. Genre, je crois, putain, n'importe quoi, je pense que ça passait, tu vois. J'ai eu peur, je croyais que t'allais me dire, malgré le fait que ça se soit bien passé avant, quand le gars, ils l'ont sorti, ça a refroidi l'ambiance, et j'allais dire, les gens ont pas été cool, parce que t'as même joué là-dessus, t'as pas perdu tes moyens et tout, donc. Non, du coup, je me suis dit. Mais en fait, c'était la première fois, pareil, que. Bah, déjà, en fait, au tout début, moi, j'avais quand même pas mal peur, tu sais, des trop de mémoire, tu sais. Sur un sketch de 10 minutes, ouais, c'est vrai que tu peux l'avoir et tout. Et ce passage-là, en plus, j'ai changé des trucs, genre 2 minutes avant. Super idée. Et du coup, le mec il le descendait tout. Je me suis dit, mais comment je fais pour retrouver le texte après? Et c'est là en fait que j'ai capté un peu comment tu rattrapes un trou de mémoire, tu vois. Ouais. Mais franchement, en tout cas, grand classique, hein, le coup du trou de mémoire et surtout le coup du juste avant de monter sur scène, dire attends, faut pas que je dise ça, faut que je dise ça. Et là, ben, sur scène, c'est impossible de s'en souvenir parce que t'es pas du tout dans les conditions pour imprégner ce changement, tu vois, que ton esprit en soit imprégné, quoi. C'est. Ouais. Ah non, mais c'est normal. Donc vraiment, bravo. Là, j'estime que t'as vraiment géré. C'était un concours, c'est ça, ouais? Bah, c'est le concours, du coup, c'est le concours du Printemps du Rire à Toulouse, c'était super cool. Et du coup, la tournée, c'était avec eux après aussi. Donc, c'est vrai que les deux premières anecdotes, c'est avec eux. Donc, c'était trop incroyable, quoi. C'est vraiment, tu Ah, fais le c'est concours et après, sympa. tu fais ça. Et du coup, ouais, franchement, c'était grave cool. Mais le fait d'avoir un mec calculé dans la salle, c'est vrai, parce que normalement, enfin, j'ai vu déjà que ce mec-là, en soirée, il pourrait boire plus que moi. Donc, déjà, j'avais du respect pour lui, tu vois. Et non, mais ça, je me dis, du coup, s'il y a des gens qui écoutent, si vous êtes bourré, bah, venez pas voir le spectacle ou soyez bourré silencieux. C'est cool. Bah avec les bourrées silencieux, le problème après derrière c'est les ronflements, tu vois, c'est ça le. Oh, t'imagines? Mais ça, je dis ça m'arrivera sûrement. T'as un mec dans ta salle qui ronfle. Franchement, des gens qui s'endorment, il y en a déjà eu plein, plein, plein. Je parle pas de mon spectacle spécialement, mais je veux dire dans les spectacles en général, des gens qui s'endorment parce que fatigués, hein, c'est même pas parce que le spectacle est pas bon, mais des gens qui s'endorment, il y en a tellement, ça arrive tout le temps. Ça, c'est ça que ça, quand ça arrive. Mais quand tu t'en rends compte, quand t'es sur scène, je pense que du coup, tu dois être en fou rire interne. Bah oui. Après, si c'est un ronflement que les autres entendent à peine ou n'entendent pas, il faut pas que tu l'adresses le truc parce que sinon ça va troubler un peu l'ambiance. Par contre, si c'est vraiment quelque chose qui dérange toute la salle, tu es obligé d'intervenir dessus, tu vois. Je pense que ça doit arriver régulièrement dans les scènes comme le 1h du matin du Paname, tu vois. Ah oui, c'est vrai Où que c'est t'as une que des exemple. gens bourrés, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, hein, l'alcool, ouais, ça les aide à bien s'endormir et bien ronfler pendant le truc, tu vois. Et c'est compliqué, quoi, c'est compliqué, vraiment. Ah, c'est vénère, mais non, mais c'est ouf. Mais du coup, on peut écrire une thèse sur les ronflements pendant le spectacle, si tu veux. Bah t'inquiète pas, bah tu sais quoi, moi je fais partie de la team ronflement, mais en dehors du spectacle, j'évite de ronfler sur scène. T'as du respect, Sofiane, ça fait trop plaisir. Bah c'est quand même le minimum, tu vois. Les gens sont venus te voir, attends au moins d'être dans la loge pour t'endormir, tu vois. Exactement, exactement. C'est ça, c'est ça. Ben, il y en a beaucoup qui n'ont pas ce respect-là pour nous. Alors après, quand quelqu'un s'endort, c'est une chose, mais quand quelqu'un met le bazar comme ça t'est arrivé toi avec ce mec-là qui s'est levé et qui s'est... Mais en plus, il a bien attendu ton passage à toi, quoi. En fait, j'ai ça, je fais. Non, mais attends, franchement, déjà, je m'appelle Bonpoil, donc moi, Dame Nature, à mâcher dessus, tu vois. Et en plus, je fais de l'humour, et en plus, il y a un mec bourré pendant mon passage, à moi spécialement. J'étais là, mais attends, mais quand même, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, franchement? Bon. Alors maintenant, les auditeurs et moi, nous attendons que tu nous révèles le nom de l'humoriste qui te l'a envoyé. Ah oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, il s'appelait Sofiane était, pas Etaille, était. Oui, d'accord, oui, c'est mon alter C'est ton ego. jumeau maléfique, voilà. Non, mais hey, attends, tu sais qu'on en rigole, mais il y a réellement des fois des gens qui peuvent envoyer quelqu'un dans ta salle pour te miner, quoi. Ah, pour le truc. Ah, mais ça, ouais, c'est vénère. Ah, mais non, mais remarque, oui, ça peut. Oui, remarque, oui, vu le milieu. Oui, peut-être, vu le milieu. Peut-être. Après, Ça ça peut doit être assez arriver. marginal. Ça doit être assez marginal. Mais je pense, je suis même persuadé que c'est déjà arrivé que des humoristes ou des agents ou je sais pas quoi envoient quelqu'un dans la salle d'un humoriste ou d'un Ah, chanteur ou j'en sais rien pour le saboter, quoi. Ah, mais s'il faut, c'était ça. Mais Oh dommage, bah parce oui. que moi, je suis personne, donc il sabote personne, c'est con. Mais en fait, c'est ça, les mecs de la sécurité, c'était pas des gars de la sécurité, c'était les gars qui travaillaient avec la personne qui te l'a envoyé. Genre, allez-y, récupérez-le, c'est bon, ça sert à rien, les efforts déployés sont pas à la hauteur du gain, tu vois, c'est même pas la peine. Par contre, méfie-toi, si jamais tu commences à percer, il y a des chances que le mec repointe le bout de sa bouteille. Hey, tu te rappelles? Non. Oh Alors. punaise. Bah, c'est le genre de personne, malheureusement, tu peux te retrouver avec ça n'importe quand dans ta salle, même des fois en début de soirée, hein, c'est même pas obligé que ce soit tard, mais des fois en début de soirée, t'as des gens bourrés, tu te dis, mais il a commencé à quelle heure en fait? Parce que là, il est quand même relativement tôt. Tu sais, quand tu joues à 19h des fois et que t'as Ouais. un mec voilà, bourré, tu te dis, mais il a commencé à quelle heure lui, sérieux? C'est ouf. Il y en a pour qui c'est très très fort. Genre la vie est un apéro pour certains, je pense. C'est un peu ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Paris est une fête et la vie est un apéro. C'est vrai que c'est très bien résumé. Et malheureusement, ça fait partie du game. On est obligé d'accepter ça. En plus, souvent dans les soirées humour, ça se passe dans des bars, dans des restaurants et tout. Enfin, restaurants moins, mais beaucoup de bars quand même. Ouais, dans les bars, quand même. Et ouais, et on est obligé de dealer avec ça parce que malheureusement, tu ne peux pas refuser. Si tu refuses les gens qui ont consommé de l'alcool, ben en fait, tu refuses le public, hein, tout simplement. Hein, C'est ça. c'est Donc tu joues devant voilà, des tu... chaises. c'est ça. Et tu vas répéter. Tu parlais de répétition tout à l'heure. Ça va être C'est une belle vrai, c'est vrai, répétition. c'est vrai. Voilà. Mais en tout cas, force à toi. Hein, tu as quand même bien réussi à retourner le truc. Et ça s'est bien passé au final. Bravo. Vraiment, chapeau bas. Ah mais c'est cool. Mais du coup c'était marrant comme anecdote. Mais la dernière c'est pareil, c'est une anecdote genre c'est original où tu te dis ça peut pas t'arriver, c'est improbable que ça arrive ce jour-là, que les conditions soient réunies. Et la troisième, c'est un peu ça, mais c'est plus un truc mignon et où tu te dis, ça pourra jamais me réarriver, je pense. Ouais. La troisième, du coup, c'est en gros, on jouait pareil, c'était une scène ouverte à Toulouse. Il y a des gens qui me demandaient quand ils pouvaient me voir jouer, j'avais mis des dates, je dis, je jouerai telle scène ouverte tel jour. Et donc, il y avait mes parents qui étaient venus. Et je passe sur scène et j'ai pas trop vu regarder le public avant. Si tu veux, ça, on était au fond de la salle et tout machin, en train de boire un peu des coups. Et je vais jouer. J'arrive sur scène. Dans ma tête, c'est pareil. Je me suis dit, mais en fait, ce métier, il arrive que des trucs où c'est un problème. J'arrive sur scène et tu sais, tu voyais les 4-5 premières rangs. Et j'arrive sur scène et je te promets que c'est vrai. J'avais trois matchs Tinder répartis comme ça et mes parents en plein milieu. Je te jure que c'est vrai. Et je me suis dit, c'est improbable. Et dans ma tête, je me rappelle, j'ai eu une ou deux secondes où normalement, je démarre assez vite et tout. Où j'attendais un peu, j'étais là, je fais ah ouais, là c'est chaud les frères quand même. Hein. Mais oui, tu sais pas trop où te mettre à ce Je sais pas qui moment-là, a un c'est. public, voilà. Et c'est vrai que ce jour-là, en plus, c'est des personnes, c'est des filles que je connaissais pas, tu vois, et je me suis dit, mais c'est improbable. Et en fait, c'est de voir la scène et surtout de voir la tête de ma maman au milieu, tu vois. Me dire là, c'est quoi ce bordel? Ouais, Qu'est-ce c'est qui deux est fait? univers qui se mélangent, quoi, et qui n'ont rien à faire Exactement. ensemble. Exactement. Et c'est vrai que beaucoup cette anecdote, c'est vraiment, je pense, ça arrivera plus jamais, tu vois. C'était vraiment un truc où je me suis dit, mais il y avait quoi? Il y avait 50 personnes dans le public. Hein. Donc tu te dis quand même pour que tout soit réuni ce soir-là et tout machin. Et vraiment de manière à ce que je vois que ça avec ma maman en plein milieu, tu vois, avec mon père à côté, j'étais là, je fais bon. C'est un genre de réunion de famille, mais c'est pas la famille après, tu C'est ça, c'est ça. Et du coup, comment tu t'en es sorti? Ah, j'ai fini juste par. En grand champion, j'ai fini par boire des coups avec des copains dans un bar à côté. Voilà. Mais donc, pendant ton passage, ça va, il n'y a pas eu de couac. Pendant, ça allait parce qu'une fois que les vannes passaient et tout, c'était très cool et c'était une soirée où tout se passait très bien, tu vois, c'était cool. Mais je me dis, Voilà, c'est j'ai. pareil, peut-être qu'il y aura Ouais, des tu. soirées où si ta meuf, etc. Et genre, c'est un four total. Et toi, tu lui dis, non, mais je te promets, des fois, ça se passe bien. Ah ouais, ah ben ça c'est un grand classique aussi, tu vois, les gens qui te disent faudra que je vienne te voir, faudra que je vienne te voir, et ils viennent te voir, et au moment où ils sont là, tu bides comme pas Ah possible, il se ouais. passe un truc de malade. Ah, moi ça m'arrive et ça me rend dingue, parce qu'après du coup tu passes pour un gros mytho, tu vois, quand je te jure, quand tu disais ah hier laisse tomber, génial, ça a fini sur une standing et tout, et là la personne quand elle vient te voir et qu'elle voit ça, elle dit ah ouais, bah bon courage, hein. Hey, C'est c'est dur. bien, franchement, c'est bien. Non, mais c'est ça, du coup, c'est les. Tu sais... Enfin, c'est ça, en fait, tu peux jamais prévoir. Mais c'est pareil, après, ça a toujours des bons souvenirs, je trouve. Genre, c'est des trucs, même les foires, franchement, parce que au début, j'avais trop peur de bider, tu sais, sur scène et tout. Et en fait, bon, personne n'aime ça, je pense, mais en vrai, moi, je suis grave libéré avec ce truc-là. Je me dis, quand ça arrive, bah, c'est la life, tu vois. Oui, bah en En fait, vrai. ça fait partie de l'apprentissage. Je pense que c'est que comme ça, en fait, que tu peux construire des passages solides, quoi. C'est ça, mais en fait, c'est ça, c'est ce que je me dis, parce que. Les vannes qui vont marcher pendant les passages très durs, bah c'est là que tu sais que tu peux les garder dans le spectacle. Du Voilà, coup. et le reste qui est un petit peu plus bancal, tu vas le C'est retravailler ça. et tu vas le retester, Exactement. et ça va peut-être rebider, et puis après, voilà, mais ça fait partie de la construction normale. Je ne connais aucun humoriste qui est capable de monter sur scène avec du texte 100% neuf, tu vois, genre il vient de l'écrire, il n'a jamais été testé devant qui que ce soit, il arrive et de A à Z, il cartonne, il n'y a pas un temps mort, il n'y a pas un bide, il n'y a rien, tu vois. Alors, bah, moi j'en ai un en tête quand même, c'est Jean Castex, tous les jeudis soirs pendant 3 mois. Il a fait un sans faute devant nous Ah. tous, 60 millions de Français. Ouais, mais moi je trouve que c'est pas très cool de sa part parce qu'il a jamais proposé à l'un d'entre nous de faire sa première partie. Et parce que je pense qu'il sait qu'on n'a pas le niveau. Parce que là, quand même, il y a un niveau de punchline qui est assez ouf. Genre, le coup de rouvrir les stations de ski sans remontée mécanique qui vont rouvrir en juin. Excuse-moi, moi j'ai beau travailler 9 mois sur une vanne, je la trouve pas celle-là. C'est sûr, c'est sûr. Moi, j'avoue que ma préférée, c'est les parcs d'attractions pourront rouvrir leurs portes, mais pas les attractions. Mais parce que je pense qu'on n'a pas le cerveau pour comprendre, en fait. C'est des gens qui sont dans le futur. Je pense que C'est c'est ça, en ça, fait. c'est ça. Bah écoute, en même temps, on va dire des stations de ski sans remontée mécanique ou des parcs d'attractions sans attractions, quelque part, de la part d'un gouvernement sans bonnes idées, ça se tient, hein. Je suis complètement d'accord. Voilà. J'adore. Voilà. Ah, vivement qu'on fasse des scènes ensemble, Sofiane. Oh, mais de ouf, je te jure. En plus, Toulouse, c'est un de mes publics préférés. Tu vois, je trouve que vous avez vraiment un public très bienveillant et tout. Chez nous, à Bordeaux, on a un peu le même aussi. C'est un Ouais. public assez jeune, on va dire, tu vois, dans la trentaine, quoi. Et ce sont des gens qui se déplacent pour des scènes, tu vois, comme la Toulouse Comedy Night, tout ça. Et ils viennent avec une bienveillance et avec une envie de rire qui fait que, vraiment, chaque fois que j'ai joué à Toulouse, j'ai trouvé des gens généreux Ah mais c'est top. et réactifs, quoi. C'est vrai, mais pareil, le coup des publics, c'est vrai que tous les publics peuvent varier en fonction d'où tu vas en France et tout. Ouais, bah, les publics, j'imagine que tu as joué dans le Nord aussi. Ouais. Voilà. Bah un peu partout je crois, mais c'est vrai que c'est pas forcément, alors des fois c'est super cool et tout machin et tu retrouves un peu l'ambiance, Et des fois, je pense qu'il y a des. Après, quand tu fais des premières parties ou des trucs comme ça aussi, les gens ils viennent pas pour toi, quoi. Donc Ouais, tu mais sais première, que. voilà. Là, on dit hors première partie, hein. On dit hors première partie, parce que évidemment, quand les gens viennent pas pour toi, après, ça ne veut pas dire qu'ils vont te réserver forcément un mauvais accueil, mais c'est Non, c'est toujours grave plus flou en dur. général. C'est grave flou. C'est grave flou. Non, Même quand ça t'es un va. peu En dans le général, délire de bah, présentation. si tu arrives avec quelques blagues de présentation qui font que les gens vont embarquer dans ton univers, ça va, C'est ils ça. sont avec toi et ils acceptent de patienter. T'es un peu l'apéritif avant le vrai repas, tu C'est vois. ça. Et par contre, non, là, moi, je parlais vraiment en mode truc équivalent, tu vois. C'est-à-dire un plateau à Toulouse et un plateau à Lille, tu vois. Voilà, là, c'est les deux ambiances sont bonnes, mais c'est vrai que le public du Nord, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus réactif, beaucoup plus en demande. Moi, Ah. je trouve que c'est un des meilleurs publics, tu vois. Ah, ça m'intéresse de ouf parce que je t'avoue, bah, je devais jouer à Lille si le 29, mais du coup c'est reporté. Mais il me tarde Ouais. d'aller jouer à Lille, parce que j'ai pas encore joué même dans le vrai Nord. Enfin, le vrai Nord, c'est Lille, quoi. Ouais, bah écoute, oui, tu pourras y aller bah, d'ici la sortie du podcast, tu y auras sûrement joué. Et franchement, c'est du super public, c'est des gens très réceptifs, très généreux. Ils sont, tu sais, ils sont avec toi. C'est en mode, t'inquiète pas, t'es sur scène, on est dans la salle, on est avec toi, vas-y. Tu vois, genre carte blanche, Ouais, quoi. ça c'est cool. Ils sont très très bien. Et encore mieux, et je pense au moins aussi bien que le Nord, voire mieux encore, c'est la Belgique. Mais apparemment, ouais, c'est pareil. La Belgique, on a dit grave du bien. Ah, mais Du big belge. c'est le public le plus gentil pour l'instant que j'ai trouvé. Ils sont Ah ouais? géniaux. Ah ouais, ils sont vraiment géniaux. Ils sont en mode on est vraiment là pour rire. Vas-y et on va te suivre. Tu sais, genre, montre-nous le chemin et on te suit, quoi. C'est cool ça. Franchement, ils sont bien. Moi, je sais que j'ai joué quelques fois là-bas et c'est un de mes publics préférés. Je suis tombé amoureux du public belge. Ils sont vraiment géniaux, quoi. Ah bah génial, bah écoute, il me tarde d'aller jouer là-bas du coup. Ah bah tu me tiendras au courant dès que tu peux, Avec tu grand plaisir. verras, tu penseras à moi et tu m'en diras des nouvelles comme on dit. J'y arriverai, je dirais que je m'appelle Sofiane et Tahi, c'est bon, Ils t'inquiète. vont dire non, non, non, non, non, c'est pas le même gabarit là, c'est pas la même. Ils ont vu ma tête, ils ont vu mon tour de taille, donc je pense que ça passera pas. Ou alors tu peux y aller, mais je te conseille de consommer quelques protéines avant. Hein. Vas-y, fais-toi, lâche-toi, protéines, J'adore. lipides à fond. Hein. Écoute, je vais essayer de faire un truc. Je tente un truc et on va voir. Mais ça peut le faire. Ça peut D'accord. Ce sera plus facile pour toi de me rattraper que pour moi de te rattraper, tu vois. Je te cache pas que j'essaye d'en perdre, tu vois. Et ça va. Si tu veux, si je dois prendre la place de Clément Bonpoil, on en reparle dans 5 ou 6 ans, tu vois. Voilà. Et bah, c'est con, on se fait un défi. Dans 5-6 ans, je fais ton spectacle et tu fais le mien. Ça va? On va appeler ça volte-face. J'avoue, exactement. Exactement. Chaud. Bon, eh bien écoute, en tout cas, en attendant le spectacle Volteface, je te remercie de nous avoir raconté un Avec petit peu plaisir. tes anecdotes. Ah, c'était Bah, vraiment merci à super toi. cool. Avec grand À toi. plaisir. Merci, merci. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Réseaux sociaux, mais Instagram Clément Bonpoil, Facebook Clément Bonpoil, YouTube Clément Bonpoil, TikTok aussi. Je m'y remets un petit peu là, j'ai fait une pause. D'ailleurs, D'accord. il faut te suivre toi sur TikTok. D'ailleurs, je fais ta propre pub. Hein. Du Ah, bah, coup, je te remercie, ouais. ah, c'est grave cool. Je m'éclate bien sur TikTok. C'est vrai, c'est grave cool. Et après, Ah, mais sur les scènes, quand ça reprend sur le ouais. site de la. C'est peu Clément Bonpoil et c'est le site de la prod. Et il y aura toutes les dates dessus. Et je mets tout sur les réseaux de toute façon. D'accord, bah très bien. Bah je mettrai Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Tu as un Twitter aussi ou pas? Ouais, j'ai Twitter, j'ai LinkedIn. Ouais, bah je le mettrai dans les liens, donc je mettrai tout. Et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.